différentes couleurs, gris comme les nuages, rouge comme la peur, et c'est un rien qui fait tout, tout comme chaque cœur qui bat le même sang. Dans le vent.